Chapitre 4. Suscité par la chaleur du feu et par l'agréable arôme du thé, mille souvenirs de l'ancien temps lui revenaient pêle-mêle. Le printemps, celui de 1896. Il avait 48 ans, un âge auquel on peut commencer à prédire qu'on ne changera plus d'habitude. Il venait d'être nommé professeur résident et avec cette fonction et ses cours de langue ancienne, il s'était organisé une petite existence confortable et occupée. Pendant les grandes vacances, il alla dans la région des lacs avec un de ses collègues, Rauden. Durant une semaine, ils firent promenade à pied et ascension, jusqu'au jour où Rauden dut le quitter pour affaires de famille. Chips resta donc seul à Wasdale Head, où il avait pris pension dans une petite ferme. Un jour qu'il gravissait le Great Gable, il remarqua une femme qui, d'une saillie à l'aspect dangereux, faisait des signaux d'un air agité. Pensant qu'elle était en difficulté, il s'élança vers elle, mais dans son ardeur, il glissa et se foula la cheville. Oh, il se trouvait qu'elle n'était nullement dans l'embarras, mais faisait simplement signe à une amie au-dessous d'elle, sur le versant de la montagne, et qu'elle était très bonne alpiniste, meilleure même que Chips, pourtant assez entraînée. Le voilà donc de sauveteur devenu rescapé, et il n'avait guère plus de goût pour un de ses rôles que pour l'autre. En effet, il ne s'intéressait pas aux femmes, comme il aurait dit. Il ne se sentait jamais dans son assiette ni à son aise avec elle. Et cette monstrueuse créature dont on commençait à parler, la femme moderne des années 90, lui inspirait une véritable horreur. C'était un homme paisible, respectueux des conventions, et le monde, vu de ce havre qu'était Brookfield, lui paraissait plein d'innovations et de mauvais goût. Un certain Bernard Shaw professait les opinions les plus étranges et les plus répréhensibles, un certain Ibsen aussi écrivait des pièces troublantes, et puis il y avait cette nouvelle folie de la bicyclette, qui gagnait les femmes aussi bien que les hommes. Chips n'était pas partisan de toutes ces nouveautés et de cette liberté. Il avait une vague idée, si jamais il la formulait, que les femmes comme il faut étaient faibles, timides et délicates, et que les hommes du monde les traitaient avec une politesse chevaleresque, mais un peu distante. Aussi ne s'était-il pas attendu à trouver une femme sur le Great Gable, mais puisqu'il en avait rencontré une qui paraissait avoir besoin d'une aide masculine, il était encore plus terrifiant qu'elle lui renversait les rôles en venant à son secours. Car c'est ce qu'elle fit. Son amie et elle furent obligées de le soutenir. Il pouvait à peine marcher, et ce ne fut pas chose facile que de lui faire redescendre le sentier abrupt jusqu'à Wasdale. Elle s'appelait Catherine Bridges et avait 25 ans, si bien qu'elle aurait pu être la fille de Chips. Elle avait des yeux bleus et vifs, des taches de rousseur sur les joues et des cheveux ondulés d'un blond très pâle. Elle aussi avait pris pension dans une ferme. Elle passait ses vacances avec une amie, et comme elle s'estimait responsable de l'accident de Chips, elle allait à bicyclette en suivant le bord du lac, jusqu'à la maison où était étendu cet homme paisible, d'âge moyen et à l'air sérieux. C'est ainsi qu'elle se le représentait au début. Quant à lui, voyant qu'elle montait à bicyclette et ne craignait pas de venir voir un homme tout seul dans la salle d'une ferme, il se demandait vaguement où allait le monde. Son entorse le mettait à la merci de la jeune fille, et il comprit bientôt à quel point il pourrait avoir besoin de cette compassion. C'était une gouvernante sans place, qui avait quelques économies. Elle lisait et admirait Ibsen, trouvait que les femmes devraient être admises dans les universités, et pensait même qu'elle devrait avoir le droit de vote. En politique, elle était radicale. Toutes ses idées, toutes ses opinions, elle les exposa à Chips pendant ses après-midi d'été à Wasdale Head, et lui, n'ayant pas l'esprit très prompt, ne pensa pas tout d'abord qu'il valut la peine de les contredire. L'ami de Catherine partit, mais elle resta. Il s'en allait souvent en boitillant, avec deux cannes, par un sentier jusqu'à la toute petite église. Il y avait contre le mur un banc de pierre où l'on était bien assis, avec le soleil en face, et le majestueux gable vert et brun. À écouter le bavardage d'une... Mon Dieu, oui, Chips était bien forcé de le reconnaître, d'une très jolie fille. Il n'avait jamais connu personne qui ressemblât à Catherine. Il avait toujours pensé que le type moderne, cette fameuse femme nouvelle, lui répugnerait. Et voilà qu'elle lui faisait positivement attendre avec impatience l'apparition de sa bicyclette roulant sur la route du bord du lac. Et de son côté, elle non plus n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui. Elle avait toujours pensé que les hommes d'âge moyen qui lisent le Times et blâment tout ce qui est moderne étaient d'affreux raseurs. Et pourtant, voilà qui lui inspirait de l'intérêt. requérait son attention bien plus que des jeunes gens de son âge à elle. Elle eut de la sympathie pour lui au début, parce qu'il était très difficile de le bien connaître, parce qu'il avait des manières douces et tranquilles, parce que ses idées dataient de ces périodes absolument impossibles des années 70 et 80, ou même plus lointaines, et était pourtant malgré cela profondément honorable, et parce qu'il avait des yeux bruns et énormément de charme quand il souriait. « Naturellement, moi aussi, je vous appellerai Chips, » lui dit-elle, quand elle apprit que c'était le surnom qu'on lui avait donné à l'école. Au bout d'une semaine, ils étaient amoureux fous l'un de l'autre. Avant que Chips pût marcher sans canne, ils se considéraient comme fiancés, et ils se marièrent à Londres 8 jours avant la rentrée des classes.